Chapitre 173. Les invocations lorsque l'on craint des gens ou un autre mal. 981. Selon Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, craignait le mal de certaines personnes, il disait « Ô Allah, nous te plaçons entre eux et nous, et nous cherchons ta protection contre leur mal. » Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. « Wa na'udhu bika min shururihim » Abu Daoud et An-Nasa'i selon une chaîne de narrateurs authentiques.